bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé, prise de son Élise Le. Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie. Premier jour de notre série consacrée à Karl Marx. Ce mois-ci, ce mois de mai, celui du 200e anniversaire de sa naissance, célébré par un florilège d'ouvrages et de films rappelant la singularité de sa biographie et la prégnance de son œuvre. Une vie contrainte à l'exil, au gré des sursauts politiques d'une Europe ballottée entre révolution et réaction. De Trèves à Londres, le chemin parcouru par Marx matérialise les évolutions de sa pensée, de la philosophie allemande à la dictature du prolétariat. Alors, de 1818 à 1883, glissons-nous aujourd'hui dans la peau de Karl Marx. Et c'est Karl Marx le sujet aujourd'hui d'Entendez-vous l'écho. Nous allons en parler en compagnie de Jean Quétier, doctorant en philosophie à l'université de Strasbourg. Vous préparez une thèse sur le communisme de Marx et vous êtes l'auteur de Découvrir Marx aux éditions Sociales. Avec vous autour de la table, Jean-Numa Ducange, maître de conférences en histoire politique et sociale des 19e et 20e siècles en Europe à l'université de Rouen. Vous êtes auteur notamment de Marx, l'histoire, les révolutions aux éditions La Ville Brûle et vous êtes le coordinateur de Marx, une passion française. À la découverte. À 14h50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Jean Quétier, Jean-Numa Ducange, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de Karl Marx, alors il y a eu effectivement ce film de Raoul Peck fait récemment. On fait peu allusion à sa biographie. Est-ce que sa biographie, notamment qui commence dans la ville de Trèves, est-ce qu'elle apporte quelque chose sur la connaissance de Marx ? La biographie, en tout cas, du très très jeune Marx, pour ne pas dire du petit Marx. Oui, absolument. La biographie est fondamentale pour comprendre la démarche de Karl Marx. Car beaucoup de gens considèrent que Le Capital de Marx, sa principale œuvre économique, dont le premier tome a été publié en Allemagne en 1867, est une œuvre analytique passionnante qui nous montre les contradictions du capitalisme à l'œuvre. Et tout cela, une série d'économistes libéraux peuvent considérer que Marx est intéressant. Mais Marx est aussi quelqu'un qui très tôt a une vision politique du combat qu'il entend mener. Et si on s'intéresse uniquement à certaines œuvres, bien sûr que l'on voit bien que Karl Marx, et c'est connu, est hostile au capitalisme, prône une voie révolutionnaire pour renverser le système, mais je crois qu'il est nécessaire pleinement de se plonger dans sa vie, dans sa trajectoire, dans ses engagements politiques qui sont assez tôt, qui se sont manifestés assez tôt, pour bien comprendre ensuite toute sa démarche dans l'ensemble. Donc sur le jeune Marx, effectivement. Alors Trèves, c'est pas tellement une ville traversée par les grandes transformations industrielles, en tout cas de la révolution industrielle au tout départ. C'est pas un lieu privilégié d'observation pour lui. Oui et non, parce que c'est une ville qui a été rattachée à l'Empire français, et c'est donc une ville qui a été touchée par les réformes napoléoniennes, qui sont malgré tout porte en elle l'héritage de la Révolution française. Cette partie de la Prusse a connu l'intégration du code civil, code pénal, donc l'héritage tout de même de la Révolution française. Et Marx naît dans une ville qui effectivement, même si on y va encore aujourd'hui, sauf exceptionnellement ce week-end, donc ne respire pas nécessairement l'atmosphère révolutionnaire, mais c'est une ville qui a été touchée par cette vague révolutionnaire déclenchée en 1789. Et Marx grandit dans un environnement familial qui est tout à fait marqué par cela. Et il faut savoir aussi que Marx, lorsqu'il a 12 ans, Trèves n'étant pas loin de la France, 1830, il y a de nouveau une révolution française et il y a des échos en Allemagne. Donc à la fois, effectivement, Trèves n'est pas le cœur du capitalisme industriel, rien à voir avec ce qu'est à la même époque la Grande-Bretagne, qu'il va connaître plus tard, mais il y a en arrière-plan cet héritage révolutionnaire que personne n'avait pu ignorer à l'époque parce que nous étions dans une zone qui avait été française et française, je dirais pour le meilleur et pour le pire compte tenu du contexte de l'époque, mais marquée par cet héritage de napoléonien et révolutionnaire. Alors pour creuser cette histoire justement d'héritage familial et d'influence des Lumières, il y a le père de Karl Marx, il est issu d'une famille juive, le père est issu d'une lignée de rabbins, mais il va se convertir et ça a son importance puisque c'est aussi le passage au protestantisme qui caractérise aussi les changements en termes d'idées aussi dans la famille Marx. Oui, il y a la conversion effectivement du père au protestantisme, mais il faut aussi voir que, bon, effectivement, il y a des raisons sociales à cela, hein, qui est évidemment l'intégration du père dans la société de Trèves, même si Trèves est une ville majoritairement catholique. Alors, faut expliquer ça, hein, c'est-à-dire que les Juifs étaient interdits d'un certain nombre de professions, voilà, dont le métier de fonctionnaire. Voilà, effectivement. Et le père exerçait un métier d'avocat, et de ce point de vue, sa conversion au protestantisme s'explique également pour des raisons professionnelles. Ce qu'il faut peut-être ajouter sur le père de Marx, et qui va dans la continuité, hein, de ce qu'a dit Jean Numa à propos de la place de la Révolution française, c'est que le père de Marx était fortement francophile et qu'il était très marqué par les idées des Lumières. Il y a plusieurs témoignages, notamment des filles de Marx qui évoquent la figure de Heinrich Marx, hein, du père de Marx, comme étant une figure imprégnée par les lectures de Voltaire et de la pensée française des Lumières. Donc Marx a quand même baigné dans cet univers très éclairé d'un point de vue politique qui était très marqué par cet héritage-là, oui. Et le choix du protestantisme, c'est aussi une religion du choix, un défenseur des idées rationalistes, donc ça n'est pas complètement par hasard non plus dans le parcours de Karl Marx. Non, tout à fait. Je crois qu'il y a plusieurs héritages, la personnalité de Marx, qui vont se mêler, qui sont liés au lieu où il est né, où se mêlaient donc différentes influences, ça vient d'être rappelé. Mais il y a cet héritage, donc on l'a dit, révolutionnaire, même napoléonien, vu les réformes qui avaient été introduites. Mais Marx, malgré tout, s'il ne baigne pas non plus dans une famille de révolutionnaires, parce que ça a existé aussi au 19e, des gens qui descendaient directement de familles qui avaient participé à des mouvements sociaux, mouvements révolutionnaires, ce n'est pas son cas ici. Mais c'est profondément un homme des Lumières, au moins pour toute sa première période philosophique et intellectuelle, on en reparlera peut-être, c'est quelqu'un dont la pensée, dans un premier temps, est totalement indissociable de ce mouvement. Donc on a cité les Lumières françaises, mais il y a aussi les Lumières allemandes, et tout ça est très proche de son environnement culturel et politique. Donc sans avoir cela en tête, on ne comprend pas d'une certaine manière la façon dont Marx va appréhender ensuite plus tard les mutations du capitalisme qui se développent littéralement sous ses yeux. Vous aviez dit que Trèves n'était pas le centre du monde à l'époque, effectivement. C'est des choses qui vont... Il va voir le développement économique de l'Allemagne dans les années 1820-1830 qui reste encore relativement modeste, et tout au long de sa vie, ces choses-là vont être de plus en plus développées, de plus en plus présentes. Et à chaque fois, je crois qu'il faut avoir en tête, effectivement, cet héritage originel qui guide son action et sa pensée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se confronter à d'autres traditions et à d'autres choses, bien évidemment. Oui, il faut peut-être ajouter aussi le fait que l'environnement de Trèves est quand même, même d'un point de vue social, quelque chose qui va avoir une certaine importance dans le parcours intellectuel de Marx. Hein. Parce que, peut citer par exemple, hein, lorsque Marx à Cologne dirigera la Gazette Rhénane en 1842, il va s'intéresser au destin des vignerons de Moselle frappés par la paupérisation. Donc il y a quand même dans son environnement, je dirais natal, il y a quelque chose qui va va d'emblée le frapper. Et puis il va naître dans un environnement, dans un contexte historique particulier, lui-même du côté de sa mère, donc aussi est d'une famille relativement bourgeoise. Son père est un avocat relativement prospère aussi. Il va partir faire ses études de droit, mais à ce moment-là, en tout cas pendant toute sa période de lycée, l'Europe effectivement est ballottée. Alors il y a les événements de 1830 sur lesquels Jean Numa, vous avez décidé de revenir. Peut-être on pourrait s'y appesantir un peu. La monarchie vacille sous les coups d'une crise économique. Tout à fait. La monarchie de juillet est donc touchée par trois glorieuses à la fin du mois de juillet 1830. Ces trois jours où la monarchie donc, qui avait été restaurée en 1815 est renversée en 1830 au profit d'une autre monarchie, celle de Louis-Philippe. C'est le début de ce que l'on a appelé la monarchie de juillet. C'est un phénomène un peu contradictoire parce que, a posteriori, on est un peu surpris de voir un roi remplacé par un autre, puisqu'on se dit qu'une révolution va nécessairement aboutir à une république. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas l'option républicaine, pour toute une série de raisons, n'a pas été retenue, on n'a pas été assez loin. Mais néanmoins, Louis-Philippe, qui vient de monter sur le trône, est surnommé le roi des barricades. C'est-à-dire que perpétuellement, ce nouveau roi va être à la fois donc garant d'un certain ordre politique, économique et social, dont le Premier ministre, je suis un terme très contemporain, emblématique, sera longtemps Guizot, celui-même qui expulsera Marx lorsqu'il sera venu en France, donc dans un environnement hostile aux révolutionnaires. Mais tout de même, on entre dans une période où même les monarchies sont tenues, si je puis dire, par ce souvenir révolutionnaire qui ne s'échappe pas, parce que la grande idée de 1815, de la Sainte Alliance, donc dans laquelle est né Marx, de Metternich, etc., c'était on balaye la Révolution française. Plus jamais ça, ça n'arrivera. Or, en 1830, pour le Marx de 12 ans, ça arrive de nouveau. Et là, une révolution, certes imparfaite, mais tout de même a eu lieu. Et on rentre à nouveau dans le cycle des révolutions qui ne vont avoir de cesse de rebondir au XIXe siècle. Alors ça, c'est pour la France, mais à Berlin, c'est le pouvoir impérial qui est en place, avec un pouvoir qui est relativement autoritaire. Alors c'est la période où il y a eu la mort des gueules d'un côté et où on confisque la chair de Feuerberg. Peut-être ça vaudrait le coup d'en reparler aussi, un auteur qui va être très important pour Marx. Jean Quétier. Oui, alors effectivement, Marx va d'abord commencer donc des études de droit, comme vous l'avez dit, à l'université de Bonn en 1835. Et ensuite, il va partir pour Berlin et il va progressivement laisser de côté ses études de droit et s'intéresser à la philosophie. Alors effectivement, depuis la mort de Hegel, le spectre, disons, de la philosophie allemande est très marqué par cette figure-là, sachant que l'héritage de Hegel est un héritage très controversé, c'est-à-dire qu'il est revendiqué aussi bien par ce qu'on appelle la droite hegelienne, qui y voit éventuellement une philosophie soutenant le pouvoir prussien d'une certaine manière. Que par les hegeliens de gauche. Que par des hegeliens de gauche qui vont voir en Hegel, une certaine lecture possible de Hegel, une critique de la religion, une critique du pouvoir politique. Il faut savoir que même lorsque Hegel est présenté comme le philosophe de la monarchie constitutionnelle, en Allemagne, en Prusse, il n'y a pas de monarchie constitutionnelle. Donc il faut pas y voir un philosophe réactionnaire qui, parce que effectivement dans la préface des principes de la philosophie du droit, il disait que ce qui est réel et rationnel serait nécessairement un soutien de l'ordre existant. Alors ça, c'est le côté peut-être transdisciplinaire aussi de la pensée de Marx qui va arriver dès sa formation. Il était prédestiné à reprendre cette profession d'avocat, puis finalement, il s'intéresse à la philosophie qui elle-même s'intègre à ce grand ensemble à cette époque-là de la philosophie morale, qui est aussi l'économie politique, qui est aussi teintée d'une vision très large de ce qu'on dirait aujourd'hui, de ce qu'on appellerait les sciences sociales. Alors oui, il y a plusieurs étapes, on pourrait dire, dans les projets professionnels de Marx. Mmh. Quand Marx est encore très jeune, au milieu des années 1830, au départ, c'est plutôt une carrière de poète qui l'intéresse. Disons qu'il assez, il a, il assez a cette... mauvais poète. Hein, assez mauvais poète, encore, encore que ça, c'est un sujet discuté, effectivement. Bon. Mehring voit en Marx un assez piètre poète. Michael Heinrich, par exemple, dans sa nouvelle biographie, est un peu moins sévère, mais bon, c'est... en tout cas, ça n'a pas vraiment abouti. Et c'est effectivement, dans un premier temps, la rencontre avec la philosophie, notamment avec la philosophie hegelienne, qui va le faire changer un petit peu de parcours. Mais, alors, Marx va soutenir soutenir, c'est un bien grand mot, rédiger une thèse de philosophie antique. Il tiendra le titre de docteur en philosophie en 1841. Mais la perspective d'une carrière universitaire en philosophie va être rapidement abandonnée pour tout un tas de raisons, et notamment parce que ceux qui sont à l'époque proches de lui, comme Bruno Bauer, vont se retrouver écartés de l'université à cause de leurs idées radicales. Donc il n'obtiendra pas de chaire. Et il n'obtiendra pas de chaire. Et c'est ce qui va faire que, dans un deuxième temps, Marx va se s'orienter plutôt vers une carrière de journaliste. Ça va jouer un rôle assez important à partir du début des années 1840. Alors arrêtons-nous quelques minutes sur la pensée hegélienne qui va être fondatrice chez Marx. Je vous propose d'écouter Jean-François Lyotard, c'était dans l'heure de culture français, qui était diffusé sur la RDF RTF, c'était le 1er janvier 1958. C'est pour parvenir à construire l'instrument nécessaire à la compréhension de chaque civilisation, de chaque religion vivante, de toutes les vies des peuples qui forment ensemble l'histoire, que Hegel élaborera plus tard la logique dialectique. Mais s'il est parvenu ultérieurement à la nécessité de cette dialectique, c'est bien parce que dans cette période de jeunesse, il a l'intuition que l'histoire est absolument rebelle à une saisie rationnelle au sens courant, c'est-à-dire, en gros, mathématique. Un peuple, son histoire, sa religion, ses institutions, c'est un organisme vivant. Or, d'une part, le devenir d'un organisme, son destin, n'est pas saisissable en concept statique, mais requiert une logique dynamique. Et d'autre part, l'organisme est une individualité absolue pour elle-même. Il n'y a jamais deux organismes identiques. Il faut donc que la logique dynamique ne dissolve pas la particularité de tel peuple, de telle religion, dans la généralité d'un concept, dans l'histoire de l'humanité en général. Il faudra donc faire apparaître la nécessité dans la contingence, la généralité dans la particularité, l'universel dans le concret. Hegel s'attachant à exprimer cette exigence à cette formule énergique, si la réalité est inconcevable, il nous faut alors forger des concepts inconcevables. Jean-François Lyotard, dans l'heure de culture française, Jean-Numa Ducamp, cette pensée fondatrice hegélienne et de la dialectique hegélienne et du sens de l'histoire, elle va être à la fois le point de départ, mais aussi longtemps un fil conducteur qui permet à Marx de penser justement l'histoire, puisque ça va être aussi le sujet de nombreuses discussions avec Proudhon et bon nombre de penseurs qu'il va rencontrer partout en Europe. Oui, absolument. Alors, il va avoir une interprétation particulière de Hegel, comme ça vient d'être rappelé. En fait, Hegel a une matrice commune à de très nombreux contestataires. Ce qu'on appelle la gauche hegélienne regroupe des gens très nombreux. Vous avez cité Proudhon, plus tard, Lassalle sera aussi très inspiré par la pensée de Hegel. Et ensuite, il existe une infinité de discussions sur savoir la mesure exacte de l'influence de la pensée de Hegel sur Marx. Mais d'un point de vue biographique et historique, ce qui est absolument certain, c'est que Marx fait partie de ceux qui sont dans la gauche de l'hégélianisme et qui ont une interprétation de gauche de la pensée de Hegel, bien que d'autres le considèrent comme un penseur de l'ordre prussien dans la première moitié du XIXe siècle. Et ça, ça joue un rôle très important, car c'est aussi là qu'il va y avoir une socialisation avec toute une série de gens qui vont mener donc à des expériences journalistiques, à des expériences politiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, une interprétation de gauche de la pensée hegélienne? Ça veut dire que, pour le dire très schématiquement, certains assimilent Hegel à l'ordre et au maintien de l'ordre prussien. D'autres vont au contraire se servir notamment de la dialectique pour, comme le dira Marx ensuite, la retourner dans un autre sens, passer de l'idéalisme au matérialisme, pour en faire quelque chose de profondément révolutionnaire, accompagner les contradictions du réel, les analyser, pour dépasser un ordre existant, pour aller vers un autre. Et cet ordre existant vers un autre, ça passe notamment par une rupture radicale qu'est la révolution. Et vous avez des hegéliens à l'époque qui pensent rigoureusement le contraire, des hegéliens en chair notamment à l'université. Donc ça, c'est vraiment un point de fixation extrêmement important pour comprendre les premiers groupes, l'environnement intellectuel de Marx et aussi les batailles qu'il va mener contre d'autres ensuite, puisque le point de convergence avec certains, ce sera Hegel à la base, mais ce sera aussi son interprétation qui est l'objet de divergences. Jean Chrétien, on va arriver à ce carrefour dont on parlait tout à l'heure, à savoir ce carrefour où la philosophie va aussi intégrer les enjeux sociaux pour s'élargir aussi à l'économie politique. Alors oui, parce que effectivement, la pensée de Hegel est d'abord le bain dans lequel Marx va baigner à la fin des années 1830 et au début des années 1840, et elle va se combiner à la découverte des réalités de la société industrielle et du développement du capitalisme. Et là, il faut peut-être citer une médiation qui me semble particulièrement importante, c'est la rencontre avec Friedrich Engels, notamment voilà, en 1844, Parce que Friedrich Engels, qui était le fils d'un industriel important de Wuppertal et qui possédait aussi une usine à Manchester, connaît de plus près que Marx la réalité de la société industrielle. Alors Manchester qui est le voilà, cœur de l'industrie textile britannique au XIXe siècle. Tout à fait, le cœur battant du capitalisme britannique. Friedrich Engels va publier deux textes importants qui vont influencer évidemment la pensée de Marx. Le premier, c'est l'esquisse d'une critique de l'économie politique publiée dans les Annales franco-allemandes, qui est un texte où Engels se confronte aux catégories des économistes classiques, Adam Smith, David Ricardo. Sur les conseils de Engels, qui va l'inciter justement à s'intéresser aussi à l'économie politique. C'est un texte d'Engels. Et par ailleurs, il va publier en 1845 un texte majeur, qui est la situation de la classe laborieuse en Angleterre, où il décrit et analyse la réalité de la vie des ouvrières, des ouvriers dans les usines britanniques. Et cela va jouer évidemment un rôle très important dans la découverte par Marx d'un univers qui n'est plus simplement celui de la philosophie, mais qui est celui du capitalisme du XIXe siècle. Alors là, c'est l'une des particularités aussi de sa démarche. Friedrich Engels va apporter une forme d'expertise concrète, très référencée, avec un travail de témoignage, de compte-rendu précis, même de compte. Il va apporter des éléments essentiels qui se retrouveront dans les travaux de Marx, et notamment dans Le Capital, qui est aussi fait de longues descriptions de la condition ouvrière. Tout à fait, on peut considérer que Marx aura toujours son autonomie intellectuelle venue de sa formation philosophique, mais probablement son œuvre n'aurait jamais eu cette densité, par toute une série d'aspects, s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Engels, mais enfin il a rencontré toute une série d'autres gens bien sûr, mais s'il n'y avait pas eu ce compagnonnage pendant des décennies qui effectivement a commencé, c'était croisé une fois avant mais qu'importe, en août 1844 à Paris, qui plus est dans un lieu fortement symbolique puisque c'est là où les exilés révolutionnaires allemands étaient, toujours cette tradition de la révolution qui parcourait leur esprit, donc tout ça se mêle, l'économie politique venue d'Engels, la politique c'est à Paris, c'est là. Alors il est à Paris depuis 1843. Absolument, il y reste jusqu'à début 1845. Guizot donc l'expulsera, comme d'autres révolutionnaires d'ailleurs à ce moment-là. Marx, lorsqu'il est à Paris, il est dans ce qu'il appelle la capitale du Nouveau Monde, c'est-à-dire cet endroit où il y a très présent le souvenir de la Révolution, mais pas uniquement le souvenir mémoriel, etc. Il y a des groupes politiques qui sont présents. Par exemple, 3 ans avant que Marx n'arrive à Paris, en 1840, s'est réuni à Belleville, qui n'est pas encore intégrée à Paris à l'époque, une petite commune à côté de Paris, donc, le premier banquet communiste. L'adjectif est employé et commence à être diffusé auprès des révolutionnaires contestataires de la monarchie de Juillet. Et Marx baigne là-dedans, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans le pays où il y a eu la révolution, mais il est dans le pays où il y a beaucoup de contestataires, une multitude de courants socialistes et communistes, y compris des gens avec qui il va être totalement en désaccord ensuite, comme Proudhon, il faut le rappeler. Marx, en 1843 à Paris, est un inconnu. Est un nobody, on dirait aujourd'hui. Alors que Proudhon est un homme extrêmement célèbre, c'est ce que montre bien d'ailleurs le film auquel vous faisiez allusion tout à l'heure de Raoul Peck. On voit bien Marx. Proudhon avec, entre guillemets, son environnement, son service d'ordre, quelqu'un qui est très populaire, qui est connu. Et Marx est un exilé allemand qui commence à faire son trou, qui a écrit quelques articles significatifs, mais qui va se forger véritablement dans cette atmosphère-là. Et effectivement, pendant cette période-là, il voit 10 jours Engels, et ils discutent de tout un peu avec lui, notamment d'économie politique. Et ça a véritablement une grande influence pour la suite. Alors on va revenir sur le reste de ses compagnonnages, mais avant tout celui avec sa femme, Jenny von Westphalen, avec qui il décide de vivre à Paris. Et là, il faut peut-être dire quelque chose de la condition de Marx lui-même, qui donc est journaliste, a travaillé pour plusieurs revues, et vit quand même dans des conditions de vie pas très facile matériellement, en tout cas dans la première partie de sa vie. Dans la première partie de sa vie donc, et dans le reste, presque pourrait-on dire, parce que même si Engels va l'aider par la suite. Engels va l'aider. Ensuite, il bénéficiera à un moment donné d'un héritage. Enfin, bon, il y a tout un tas de facteurs comme ça, mais enfin. C'est quand même quelqu'un qui va vivre dans une précarité assez importante tout au long de sa vie. Il faut voir que, quand même, notamment lorsqu'il sera exilé à Londres, plusieurs de ses enfants vont mourir de maladies, de conditions sanitaires tout à fait dramatiques. Marx est quelqu'un qui va être sans cesse ballotté par des conditions assez précaires. Alors même qu'il est issu d'un milieu bourgeois et que sa femme est issue d'un milieu aristocratique. Oui, effectivement, hein, c'est une Westphalen. Bon, c'est exact. C'est la condition effectivement de vie de ces exilés hein, qui sont sans cesse ballottés d'une ville à l'autre. Marx va en plus lorsqu'il sera ensuite à Londres sera apatride hein, donc il va perdre sa nationalité prussienne hein, donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut signaler et Engels qui parce qu'il va travailler dans les usines de son père, notamment, hein, va lui fournir une aide financière tout au long de sa vie, notamment à partir du moment où il sera à Londres. Qui va lui permettre d'écrire. Et puis, effectivement, après, quand il sera à Londres, il écrira des articles, notamment pour un journal américain, le New York Daily Tribune, qui lui permettra d'avoir quelques revenus, mais il n'aura jamais effectivement des conditions matérielles tout à fait correctes. Hein. Il sera toujours dans des. C'est d'ailleurs probablement une des raisons, en plus de son état de santé qui est fragile, de sa mort finalement quand même pas très vieux. Hein. Alors revenons sur les revues pour lesquelles il a écrit plusieurs gazettes. Peut-être on pourrait faire un point sur ce parcours aussi de journaliste. Absolument, on parlait de précarité, et Marx a pu vivre et survivre parfois parce qu'il écrivait des articles de commande, hein, des articles de journaux qui pour nous ont intérêt aujourd'hui parce qu'effectivement c'est un texte de Marx donc on le regarde avec attention et certains de ces textes contiennent effectivement des réflexions politiques et historiques pertinentes mais ça avait un côté alimentaire qu'il ne faut pas oublier pour bien comprendre le contexte. Alors, Jean Quétier évoquait tout à l'heure la première gazette Rhénane, 1843, il faut savoir qu'à Paris, Marx a participé avec d'autres à une revue qui n'a eu qu'un seul numéro, donc les Annales franco-allemandes, où il a publié une série de textes. C'est le moment où ensuite il va retenter d'intervenir dans un journal qui s'appelle Vorwärts, en avant, donc en français, et où il va notamment écrire un article marquant sur les tisserands de Silésie, donc la Silésie qui est en Pologne mais est en Allemagne à l'époque, ces tisserands donc, qui brisent les machines, qui se révoltent. C'est un des premiers grands articles de Marx, hein, à la fois d'un Marx assez journaliste, parce qu'il y a ce Marx-là est assez facile à lire, et c'est là où il assigne, entre guillemets, au prolétariat une mission historique qui est de prendre la relève de la bourgeoisie qui a fait la révolution au 18e, et maintenant le prolétariat doit faire une nouvelle révolution d'un nouveau type pour aller vers un autre régime économique et social que serait le socialisme. Donc, ça, c'est son travail de journaliste est important à ce moment-là. Alors, il y a ce projet des annales franco-allemandes qui finalement seront limitées à une seule revue, à un seul exemplaire. Alors même qu'il devait y avoir une collaboration à la fois de penseurs français et allemands, il n'y aura finalement que des Allemands qui vont y écrire. Oui, alors le problème des exilés à l'époque, c'est pas le problème de l'époque, c'est le problème des exilés révolutionnaires hein, pendant toute cette période, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est que le contexte est extrêmement tendu, matériellement, mais aussi intellectuellement. Chacun cherche un peu à construire sa propre ligne, sa propre structure. Et il faut savoir que les premières organisations de ce qu'on va appeler ensuite le mouvement ouvrier allemand sont créées là, à Paris, entre exilés allemands, qui sont, grand jour dans les chiffres, plusieurs milliers. Et donc, voilà, qui va être en contact avec tel ou tel socialiste français, va parvenir à publier des articles avec eux, créer un embryon de ce que serait ensuite l'international. Donc les rivalités sont très fortes. Marx est par exemple en concurrence longtemps avec quelqu'un qu'on a complètement oublié, mais qui était un personnage extrêmement charismatique et populaire auprès des ouvriers allemands qu'il connaissait, qui était Weitling, que l'on voit bien aussi dans le film de Raoul Peck d'ailleurs. Ça, voilà, il y a un contexte extrêmement tendu. Et puis Marx, on a été très gentil jusqu'ici, mais c'est tout à son honneur, c'est le bicentenaire, mais c'est un personnage qui est aussi radical dans ses prises de position, qui sait attaquer bille en tête ses adversaires quand il le faut, et tout cela ne pas Engels étant quelqu'un qui est peut-être plus capable d'arrondir les angles, peut-être par sa formation aussi familiale, mais ça n'aide pas toujours, si je puis dire, à matérialiser sur le long terme une série de revues et de journaux. C'est pas un reproche, hein, c'est juste qu'il faut ce contexte-là de journal éphémère, de revue éphémère auquel vous venez de faire allusion. Au 19e siècle, c'est très fréquent. Ces exilés qui se retrouvent, voilà, il faut faire la révolution dans notre pays, mais on n'y est pas, on fait ce qu'on peut. Enfin, tout ce contexte-là est vraiment important et de détestation réciproque, souvent. Il y a l'amitié avec Engels, mais enfin, avec d'autres, c'est beaucoup plus complexe. Alors vous faites allusion à ce tempérament. On a quelques éléments sur le tempérament de Marx, connu pour être assez vif. Jean Quétier. Oui, alors là, c'est toujours un peu difficile d'avoir des éléments précis sur des considérations d'ordre psychologique, mais oui, je pense que ce que Jean Numa a dit sur le tempérament de Marx est exact, c'est-à-dire qu'il avait une forte tendance à vouloir que eh bien, les conflits qu'il pouvait avoir avec les autres militants ouvriers, etc., se règle sur le plan théorique, et donc en imposant un certain nombre parfois de vues, et puis lorsque bon, ça dépend un petit peu des périodes de sa vie aussi. Dès 1836, il est condamné à un jour d'arrêt pour ivresse et tapage nocturne. Il y avait déjà des éléments dans sa jeunesse qui témoignent. Oui, il y a effectivement des histoires l'histoire du duel aussi, qui bon, il y a plusieurs histoires de ce type là, notamment dans sa jeunesse, mais il faut bien voir que ça fait référence aussi à toute une tradition des corporations étudiantes allemandes, ce qu'on appelle les Burschenschaften. Donc c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement surprenant ni extraordinaire. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux et les gueux. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Des gueux chantons la louange, que de gueux, hommes de bien, il faut qu'enfin l'esprit venge l'honnête homme qui n'a rien. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Oui, le bonheur est facile au sein de la pauvreté, j'en atteste l'évangile, j'en atteste ma gaieté. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Oh, par là, c'est la misère longtemps a régné, dit-on. Quel bien posséder, ô mère, une besace, un bâton. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, et vive les gueux. Du fastueux qui vous étonne, l'exil punit plus la grand, Diogène dans sa tonne, brave en paix, un conquérant. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Un palais, l'éclat vous frappe, mais l'ennui vient-il gémir, on peut bien manger sans nappe, sur la paille on peut dormir. Vive les gueux, quel dieu souple et s'agite sur ce grappin qu'il fleurit. C'est l'amour qui rend visite. les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux! Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie. Il a connu Marx à Paris, les deux se sont rencontrés en 1843. Ils ont travaillé quelques mois ensemble, il y a tout un mythe qui s'est créé à partir de cela. Il y a beaucoup de textes écrits sur le rapport à Heiner-Marx, surtout de la part de quelques marxistes orthodoxes, toujours pour dire que bon, c'est Marx qui a ouvert les yeux à Heine. Mais si seulement on regardait leur position vers 1843-44, on se rend compte que Heine, à l'époque, c'est déjà un personnage qui a connu Hegel, qui a connu le socialisme en France, qui a écrit des feuilletons sur le communisme de la presse allemande, alors que Marx est encore un jeune journaliste. Et d'autre part, si on analyse la pensée de Heine à cette époque, qui s'est radicalisée, certainement grâce à l'amitié qu'il a liée à Marx pendant un temps, mais il n'y a pas de thèmes vraiment nouvelles qui apparaissent. La pensée, disons, panthéiste, socialiste existe. C'est l'idée d'une démocratie panthéiste, d'une démocratie sociale, existe avant qu'il ne rencontre Marx. Et finalement, je pense que si quelqu'un a ouvert les yeux à l'autre, c'est plutôt Heine, l'aîné, qui a pu donner quelques lumières au jeune Marx, journaliste, qui à l'époque commençait à écrire sur Hegel. C'est Gerhard Hahn qu'on entendait dans Une vie neuve, une vie neuve consacrée à Heine sur France Culture, c'était le 1er janvier 1994. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces compagnonnages, justement, des influences réciproques? Là, il s'agit de Heine et de Marx. Oui, alors il y a un long débat pour savoir ce qu'il y a de si original chez Marx, compte tenu des auteurs de son époque. Un des exemples fameux, c'est la question de la lutte des classes, concept bien connu qu'on attribue à Marx, aux marxistes, l'idée selon laquelle, bon, c'est la phrase, première phrase du manifeste du Parti communiste, hein, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe, et selon laquelle, bon, voilà, un des mécanismes principaux pour comprendre et l'actualité et le passé, c'est les luttes de classe. Mais les luttes de classe, c'est quelque chose que Marx emprunte, alors là, non pas à Heine, mais à toute une série d'auteurs français, à Guizot, qui, outre Premier ministre, était un historien de talent, qui avait écrit sur la Révolution anglaise, un historien très connu à l'époque, qui a beaucoup marqué le, entre guillemets, récit national, Augustin Thierry. Tous ces gens-là résonnent en termes de lutte de classe. Et Marx le dira d'ailleurs lui-même, il dit « Je n'ai fait que reprendre un certain nombre de choses » pour les tourner en faveur du prolétariat, d'une certaine manière. Donc, sur quasiment chaque concept, chaque point, c'est le cas sur l'aliénation, c'est le cas sur la plus-value, on va pouvoir bien évidemment trouver des emprunts et des origines, à tel point que certains auteurs à la fin du 19e, socialistes français hostiles à Marx, diront que Marx n'a absolument ou quasiment aucune originalité et qu'il n'a fait que synthétiser habilement tout ce qu'il a rencontré. Je pense absolument pas ça, hein, personnellement, mais c'est quelque chose d'important de bien dire qu'il n'y a ce n'est pas non plus des créations ex nihilo, etc., qu'il est dans un environnement et que, pour ce qui concerne la lutte de classe, c'est absolument flagrant ce type d'emprunt aux gens qu'il a croisés et qu'il a lus. Alors, on va reprendre les éléments d'économie politique auxquels vous faisiez allusion, la contradiction du travail aliéné. Peut-être qu'on peut en donner quelques éléments, Jean Quétier. Alors, sur la question de l'aliénation, c'est une question très débattue parce que c'est un terme qui apparaît très fortement dans un texte de 1844, donc écrit à Paris. Qu'on appelle les manuscrits de 1844, qui sont un texte que Marx n'a pas publié, mais qui a été publié de façon posthume et qui a eu une certaine influence dans le renouveau du marxisme, notamment en Europe occidentale dans les années 60, ça a beaucoup joué. Et ce concept d'aliénation, évidemment, vient de plusieurs sources. Il y a la pensée de Hegel, il y a aussi quelqu'un qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, qui est Ludwig Feuerbach, qui avait développé, hein, dans l'essence du christianisme, en 1841, une théorie d'aliénation religieuse, hein, qui était fondée, au fond, sur l'idée que le Dieu était une projection imaginaire des propriétés du genre humain pris dans son ensemble, et que cette mécanique de projection se retournait en quelque sorte contre son auteur, qui était le genre humain, et la créature prenait la place du créateur, et le créateur prenait la place de la créature. Et ce schéma-là, qui est un schéma qui était d'abord développé par Feuerbach au sujet de la religion, va être transposé par un certain nombre de médiations, notamment celle de quelqu'un comme Moses Hess, sur le terrain de l'économie politique, avec l'idée que, c'est ainsi que les choses sont présentées dans les manuscrits 1844, le travailleur s'aliène dans son produit et crée en quelque sorte les conditions de sa propre de la perpétuation de sa propre exploitation. Ça, c'est l'idée générale qui est développée dans les manuscrits de 1844, avec l'idée que le travailleur est dépossédé de du produit de son travail, dépossédé du sens de son propre travail, et que le produit de son propre travail est approprié par un autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne travaille pas et qui est le capitaliste. Alors, au moment justement de la création de cette pensée du matérialisme historique, il va y avoir tout ce parcours qui ira de la philosophie allemande à la création de sa propre pensée. Il va y avoir toujours ces événements historiques qui vont le traverser et traverser cette Europe du milieu du 19e siècle, puisque arrivent les événements de 1848, Jean-Numa Ducange. Oui, février 1848. Alors, il était à Bruxelles, justement. Oui, et le gouvernement français, enfin, pas Guizot et Louis-Philippe ne retournent pas en arrière pour l'inviter, mais Louis-Philippe est renversé à la fin du mois de février 1848, suite à une nouvelle révolution. On rejoue, si je puis dire, 1830. On va rejouer la partition, si je puis dire, de façon un petit peu différente, puisque cette fois, on proclame la République. Avec un gouvernement provisoire. Avec un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire, dans un premier temps, par la voix d'un de ses ministres, Ferdinand Flocon, va inviter Karl Marx à revenir à Paris, symboliquement, de dire « Voilà, maintenant, la terre de la liberté vous rappelle ». Sauf que les choses ne vont pas se passer aussi bien que certains républicains le pensaient à cette époque-là. Et Marx va qualifier de cette ambiance de février de 1848 d'illusion de la fraternité. Car effectivement, à la fin du mois de février 1848 et en mars, il y a très peu de victimes. Il n'y a pas d'amorce de guerre civile, comme il y en avait eu pendant la première révolution française. Jusqu'à un point très important qui va marquer beaucoup Marx et de très nombreux contemporains, mais qui pour Marx va avoir une importance décisive pour comprendre son concept de lutte de classe et aussi d'ailleurs l'embryon de ce qu'il va appeler la dictature du prolétariat, même s'il emploie relativement peu le terme, c'est juin 1848. Qu'est-ce qui se passe en juin 1848? Il se passe qu'il y a un soulèvement d'ouvriers lié à une série de mises en place des ateliers nationaux à l'époque, je ne détaille pas, mais en tout cas il y a une insurrection ouvrière dans les faubourgs de Paris qui est réprimée. Et cette fois-ci, là où les choses vont devenir un peu plus complexes au niveau politique, c'est que juin 48, c'est la répression des ouvriers par un gouvernement républicain, par un certain Cavaignac. Et c'est là que la République, qui aurait pu être sociale, va devenir conservatrice et va aboutir d'ailleurs, pour une série de raisons, au retour, non pas de Napoléon, qui est mort à Sainte-Hélène, mais de son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui va s'imposer sur l'échec de cette révolution. Et Marx va réfléchir à l'histoire et mettre en place ce que vous avez signalé, le matérialisme historique, à partir des événements concrets qu'il a vus et en partie donc vécus. Février 48, l'illusion de la fraternité. Juin 48, la répression des ouvriers. Et décembre 48, la farce, si je puis dire, l'élection triomphale à plus de 80% des voix de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que la République a réussi à faire élire président de la République quelqu'un qui allait la renverser officiellement, donc 3 ans plus tard. Marx regarde tout ça avec attention, et le Marx, journaliste peut-être le plus brillant de toute sa carrière, on peut dire, si je puis dire, c'est le Marx qui observe la France et ses contradictions, puisque là se jouent bien évidemment les facteurs économiques, la crise qui a contribué à déclencher la 48, mais aussi le rôle des traditions politiques, et que faire de la tradition républicaine, qui jusqu'ici était grandiose, grandiloquente, celle qui avait porté les révolutionnaires, mais qui là est prise dans ses contradictions avec ce qui vient de se passer en juin et en décembre de l'année du printemps des peuples. Alors il va bien sûr continuer ses travaux théoriques, mais ses travaux vont se coupler à une action politique, Jean Quétier. Oui, parce que effectivement, dès 1846, Marx avait cherché avec Engels à mettre en place un comité de correspondance communiste, d'abord à Bruxelles. Et à partir de 1847, Marx et Engels vont rentrer dans une organisation politique. Hein. D'ailleurs, plusieurs historiens y voient dans cette organisation politique qui va être d'abord, qui s'appelle d'abord la Ligue des Justes et qui va ensuite s'appeler la Ligue des Communistes. Hein, les prémices hein, de ce que va être un parti ouvrier par la suite. Hein, c'est ce que dit Jacques Grangeon, par exemple. Eh bien, ils vont entrer dans cette organisation et ils vont, au nom de cette organisation, qui prend en fin 1847 le nom de Ligue des communistes, rédiger un des textes les plus célèbres, sans doute, des deux auteurs, qui est le manifeste du Parti communiste. C'est quelque chose, là encore, qu'on voit très bien dans le film de Raoul Peck, Le jeune Karl Marx, parce que ça prend toute la deuxième partie du film. Et à partir de là, eh bien, Marx va jouer un rôle qui n'est pas simplement effectivement un rôle de théoricien, mais également de ce qu'on pourrait appeler dirigeant politique. Alors, même si c'est encore une organisation internationale, mais relativement marginale, hein, la Ligue des communistes en 1848, mais après, effectivement, son passage par Paris, eh bien, en mars 1848, la révolution s'étend, si j'ose dire, à d'autres pays d'Europe, et notamment à l'Allemagne. Et Marx va retourner à Cologne. Pour un temps, puisqu'il va à nouveau en être expulsé en 1849. Jusqu'en 1849. Il retourne à Cologne, et à Cologne, il reprend une activité de journaliste. Donc cette fois, c'est la nouvelle Gazette Rhénane, qui n'est pas conçue sur le même modèle hein, que la Gazette Rhénane de 1842-1843. Hein. Et à travers la nouvelle Gazette Rhénane, donc non seulement il observe effectivement la situation française, hein, mais il s'exprime sur tout un tas de sujets liés à la Révolution un peu partout en Europe. On va devoir justement aller un petit peu plus vite. Et c'est vrai que jusqu'à la Commune de Paris, il va y avoir cette histoire du premier mouvement ouvrier organisé. Jean-Numaz Ducange, comment est-ce qu'on pourrait résumer cette période-là qui va jusqu'à la période de la guerre franco-allemande de 1870? Après l'échec de 1848, donc il y a une vague, on va dire, de réactions qui s'étend dans toute l'Europe. Et la principale préoccupation des mouvements ouvriers, balbutiants, naissants, va être d'essayer de trouver un instrument de coordination entre les groupes existants. Ça va se traduire par plusieurs échecs et par une première réussite qui est la création en 1864, donc proclamée à Londres, dans St. Martin's Hall, de l'Association internationale des travailleurs. À Londres, pourquoi? Parce que c'est une des rares capitales, un des rares pays qui a offert l'asile aux révolutionnaires qui ont été expulsés de tous leurs pays respectifs après la vague de réaction auxquelles il a été fait allusion. Et donc en 1864, Marx est un acteur fondamental de cette association. Il va rédiger son adresse très connue qui se termine par l'idée selon laquelle l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, pardonnez-moi. Et donc Marx va jouer un rôle politique de structuration importante, un rôle théorique, on y a déjà fait allusion, il va continuer son travail, puis c'est parallèlement, il a travaillé à ce qui va devenir le livre 1 du Capital, à la critique de l'économie politique, mais là il est un acteur politique de premier plan. Et dans cette internationale, jusqu'à la Commune, ce qui va beaucoup, et la guerre franco-allemande et la Commune, ce qui va beaucoup l'occuper, c'est non pas d'imposer ses vues au sens personnel, mais de batailler par exemple pour une organisation structurée, hiérarchisée, bref l'embryon des partis politiques modernes, là où d'autres, soit en France de tradition proudhonienne, soit plus dans le sillage russe de Bakounine, vont avoir une vision beaucoup plus critique, beaucoup plus anarchiste à l'égard de l'organisation et de la structuration. C'est une des grandes batailles de sa vie, Marx, hein, cette question-là de l'organisation, il ne faut pas l'oublier. Et qui est tout à fait parallèle à celle de l'économie politique, qui fait évidemment plein de choses en même temps. Alors la guerre, ce qu'il observe autour de lui, va créer aussi des césures et des tournants dans sa pensée. La guerre franco-allemande de 1870, elle annonce justement à la fois la chute de Napoléon III et du bonapartisme qui avait une très forte influence en Europe. Et ça, Marx va le prendre en compte aussi dans sa pensée. Oui, juste un mot sur la guerre de 70. Le problème des Allemands, si je puis dire, et aussi des révolutionnaires allemands, c'est que l'Allemagne, au sens politique, État souverain, structuré, n'existe pas. L'unification de l'Allemagne est un de ses grands enjeux aussi Donc en 1870, la question est réglée par Bismarck, qui a gagné la guerre face à la France et qui fait proclamer l'unité allemande en janvier 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles, ce qui est évidemment un pied de nez à la France qu'il vient de battre militairement. Sauf qu'à ce moment-là, on pourrait dire, le pauvre Marx, il est en exil à Londres, l'Allemagne vient de battre le pays de la Révolution, même si c'est Napoléon III, c'est quand même un peu plus la Révolution que Bismarck. Sauf que comme il y a une structuration progressive plus importante en Allemagne du mouvement ouvrier, eh bien Marx et Engels vont considérer que d'une certaine manière, le fait que l'Allemagne prussienne, puisque c'est la Prusse qui a réussi l'unification du pays, ait gagné la guerre, va permettre au mouvement ouvrier allemand de pleinement se développer. Donc cet enjeu-là n'est pas totalement négligeable. En 1848, un des échecs, c'est bien sûr la Révolution sociale, mais c'est l'échec de l'unité allemande par en bas, par la Révolution, comme d'une certaine manière la France avait réussi à le faire au XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment absolument fondamental d'avoir cela en tête. Et l'autre événement qui suit immédiatement la proclamation de l'unité allemande, c'est évidemment la Commune de Paris, à propos de laquelle Marx va être très circonspect dans un premier temps, car il y voit une action plutôt aventuriste, mais s'y rallier très vite, car il y voit rapidement une expression, notamment d'un mouvement révolutionnaire anti-étatique qui lui paraît être quelque chose de porteur d'avenir. Ce texte, c'est la guerre civile en France qu'il rédige au nom justement de la Première Internationale au moment de la chute de la Commune en mai 1871. Et la Commune d'ailleurs est perçue comme le contraire de ce point de vue-là de ce qui s'était passé en France en 1848, au sens où elle fait signe plutôt vers l'avenir, alors que ça va être tout l'enjeu en 1852 du 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Les erreurs, finalement, des démocrates socialistes ont été de vouloir reproduire d'une certaine manière, de manière mécanique, la grande révolution française, sans voir quelle devait être la spécificité de la révolution du 19e siècle. Avec cette idée que la Commune de Paris, précisément, était le premier gouvernement de la classe ouvrière. C'est ce que Marx dira dans la guerre civile en France. Et la matérialisation, justement, du spectre du communisme pour certains. D'un point de vue, justement, de ces travaux, cette période-là, et à partir, justement, des années 60, vous avez parlé de 67 pour la publication du premier livre du Capital, c'est cette période de rédaction du Capital qui va se poursuivre jusqu'à la mort de Karl Marx, Jean Quétier. Oui, on pourrait presque dire au-delà, puisque Marx ne publiera que le livre 1 du Capital, hein, donc première édition allemande en 1867, puis traduction notamment française. Qu'il reliera jusqu'à sa mort. Voilà, qu'il reliera avec des débats avec le traducteur français Joseph Roy. Il va, tout au long de sa vie, jusqu'à la fin, travailler à différents manuscrits du livre 2, du livre 3, de ce qu'on appelle parfois le livre 4, c'est-à-dire les théories sur la survaleur, donc l'histoire des doctrines économiques, etc. Mais tout ça constitue une quantité assez impressionnante de manuscrits économiques qui ne donneront pas lieu à publication. Et quand je disais avec un brin d'humour que ça se poursuit après sa mort, eh bien, c'est notamment toute la tâche d'Engels après la mort de Marx, puisque Engels vit un peu plus longtemps, hein. Marx meurt en 1883, Engels en 1895. Une grande partie de la tâche d'Engels après la mort de Marx, ça va être de mettre en forme les livres 2 et 3, hein, et par la suite, les autres livres continueront à être publiés à l'état de manuscrit, mais ça jouera un rôle important au XXe siècle. Le mot de la fin, le 14 mars 1883, donc Marx s'éteint, il est enterré avec sa femme à Londres. Oui, là où il avait effectivement passé finalement une bonne partie de son existence, plutôt à regret, car si c'était le pays le plus intéressant du point de vue du développement économique, au niveau de ce qui allait être le triomphe, en tout cas la grande influence de ses idées politiques, c'est plutôt... Une ironie de l'histoire, pourrait-on dire, en effet, mais c'est plutôt en France et en Allemagne que finalement l'histoire de Marx, et notamment du marxisme, va ensuite continuer autour d'une série de débats et de controverses que Marx n'avait pas pu élucider de son vivant. C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de la résurgence du marxisme aux États-Unis. Oui, ou en tout cas d'un retour en force de ces concepts. Près de 70 ans après l'offensive maccartiste qui participa à l'effondrement du mouvement socialiste aux États-Unis, on voit depuis une dizaine d'années ressurgir la figure barbue dans l'imaginaire politique américain. Une traduction pratique de ce regain d'intérêt tient notamment dans le retour en force de mouvements et de journaux d'obédience ouvertement socialiste. Ainsi, les Democratic Socialists of America, issus d'une scission avec le traditionnel Parti Socialiste américain, ont vu leur rang grossir, attirant de nombreux jeunes en quête d'un espace de contestation des politiques néolibérales. Le mouvement qui a décidé l'année dernière de se retirer de l'international socialiste, à leurs yeux trop favorable aux politiques néolibérales, a ainsi vu son âge médian passer de 68 ans en 2013 à 33 ans aujourd'hui. Il faut dire que le terme socialiste ne fait plus autant figure de repoussoir. On se rappelle ainsi de Bernie Sanders, pendant la campagne des primaires, revendiquant clairement être lui-même socialiste. Il y a donc une reconquête de la gauche sur le terrain des idées. Il semblera en tout cas que commence à éclore une offre politique qui ne se satisfasse pas béatement du règne du capitalisme débridé. Ce renouveau de la gauche américaine, qui s'ancre dans un rejet sans appel du capitalisme, se situe à la suite des travaux de penseurs tels qu'Alain Badiou, qui en appelle à une véritable rupture politique et conceptuelle avec le néolibéralisme. Ce travail de renouvellement est également porté par des revues telles que Jacobin, qui se revendique comme une publication radicale et entend se servir des concepts d'exploitation, de lutte des classes ou d'aliénation pour expliquer la très inégale société américaine. Ces concepts offrent également une grille d'analyse, une bannière derrière laquelle peuvent se glisser d'autres groupes en lutte, féministes, écologistes ou antiracistes. La philosophe Nancy Fraser explique ainsi dans un article du Monde que la critique du néolibéralisme apparaît comme un dénominateur commun à ces groupes. Et de poursuivre que des revues comme Jacobin sont en train d'éduquer toute une génération de jeunes en proposant une interprétation des événements d'inspiration marxiste. On réinterprète les concepts de Marx au prisme des luttes actuelles. Oui, les années 70 avaient vu une mobilisation des idées marxistes pour dénoncer l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam. On assiste aujourd'hui à une résurgence des thèses de Marx sur les questions économiques. Ainsi, Le Monde explique que dans une société où les jeunes gagnent en moyenne 20% de moins que leurs parents au même âge et portent de lourdes dettes pour plus de la moitié d'entre eux, la critique du grand maître allemand a tendance à éclipser les promesses flétries du rêve américain. Pourtant, l'usage des théories marxistes reste cantonné à une dimension contestataire, sans parvenir à construire une vision du monde alternative à l'ultra-puissante usine à rêve du capitalisme. Les revendications de cette nouvelle gauche, bien loin d'un appel à l'insurrection, renvoient en réalité à de bien faibles révolutions. Impôts sur le revenu plus progressifs et subventions publiques des soins de santé et de l'éducation. Pourtant, le directeur de Jacobin, Seth Ackerman, précise malicieusement que ses lecteurs et ceux qui se tournent vers le socialisme sont des jeunes gens très éduqués, souvent très endettés, qui perdent toutes leurs illusions en arrivant sur le marché du travail. Or, Lénine a bien insisté sur l'importance d'une avant-garde éclairée et précarisée dans le processus révolutionnaire. I'm an idea, c'était Duchesse Say. Merci Jean Quétier et Jean-Numa Ducange. Je rappelle le nom de vos ouvrages, Jean Quétier, Découvrir Marx aux éditions Sociales. Vous coordonnez aussi la traduction de la nouvelle biographie de Michel Heinrich, Karl Marx et la naissance de la société moderne. Quant à vous, Jean-Numa Ducange, c'est Marx, l'histoire, les révolutions et c'est aux éditions La Ville qui brûle. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous. Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour une émission intitulée Lutte des classes, encore et toujours.